jusqu'à une période assez récente, l'espace interstellaire, c'est-à-dire la portion de l'univers comprise entre deux étoiles et leur système planétaire, cet espace était simple, il était vide. Entre deux soleils, il n'y avait rien, jusqu'en 1998 et la découverte de la première planète errante. Depuis, c'est tout l'inverse. Il y aurait dans notre galaxie plusieurs milliards de ces planètes sans attache qui dérivent entre les étoiles. 70 d'entre elles viennent d'être détectées. Que sont exactement ces planètes? Comment se forment-elles? Pourquoi se retrouvent-elles isolées et à la dérive dans le milieu interstellaire, voire intergalactique? Ce sont ces mystères que nous allons tâcher de percer. Planètes errantes perdues dans l'espace, c'est le programme interstellaire qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour faire toute la lumière sur ces objets si obscurs, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Hervé Bouy, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur en astrophysique à l'Université de Bordeaux et chef de projet de l'étude qui a décrit la détection de ces 70 planètes errantes publiées dans Nature Astronomie. Et nous sommes en ligne avec Nouria Miret-Reutsch, bonjour. Bonjour. Vous êtes astronome à l'Université de Vienne et co-autrice de cette étude. Mais on commence par errer dans l'actualité scientifique du jour avec le Journal des Sciences. Et c'est Antoine Beauchamp qui est à la manœuvre. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas. Et on commence avec une étude parue dans la revue Nature Communications. Un récepteur synaptique serait impliqué dans l'émergence de croyances aberrantes. Oui, une sensation d'étrangeté générale précède souvent l'émergence de croyances délirantes. Ce signe avant-coureur de psychose est difficile à étudier parce que les patients ne sont pris en charge qu'au moment où les croyances délirantes sont déjà installées. Pour comprendre l'émergence des pensées délirantes chez des personnes psychotiques ou bien chez des sujets sains dans des situations d'incertitude, une équipe de recherche française s'est intéressée aux récepteurs synaptiques qui régulent la communication au niveau des synapses. Ils ont ciblé un récepteur en particulier, le récepteur NMDA, un récepteur déjà impliqué dans des cas de psychose liés à des encéphalites. Ce travail ouvre la voie à de nouvelles pistes thérapeutiques. Valentin Viard est directeur de recherche INSERM au sein du laboratoire de neurosciences cognitives et computationnelles à l'École normale supérieure et il est le co-auteur de cette étude. Une croyance aberrante, c'est une croyance qui ne semble pas basée sur des faits ou qui semble en tout cas basée sur une interprétation qui paraît improbable de faits qui sont présentés. Donc ça, on peut l'observer chez des patients qui sont atteints de psychose, mais on peut aussi l'observer chez des sujets qu'on va dire non cliniques, c'est-à-dire qui n'ont pas une maladie déclarée. Ça peut refléter beaucoup de choses, cette notion de croyance aberrante. Ce n'est pas forcément uniquement médical. Et on s'est intéressé à un récepteur particulier, un récepteur qui s'appelle le récepteur NMDA. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est étudier le rôle de ce récepteur synaptique chez des sujets sains, donc pas chez ce type de patients qui sont très rares. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a injecté à des sujets sains une molécule qui s'appelle la kétamine, qui est un antagoniste de ces récepteurs NMDA. Et donc, ce qu'on a utilisé, c'est un protocole qu'on appelle en double aveugle. Donc, en fait, ces volontaires qui ont participé à l'étude sont venus deux fois. Une fois, on leur a donné un placebo. Et dans une autre session, ils ont réalisé exactement le même exercice. On leur a cette fois donné de la kétamine par intraveineuse et on les a donc fait faire ce même exercice deux fois pour comparer ensuite comment leurs décisions étaient différentes lorsqu'ils étaient sous kétamine ou sous placebo. Alors ce qu'on a pu observer, c'est deux choses. Première chose, la kétamine augmente l'incertitude perçue par les sujets lorsqu'ils prennent des décisions. Et ça ressemble un peu à ce qu'on observe dans les premières phases de psychose, qui est un sentiment d'étrangeté que ressentent les patients, souvent des patients schizophrènes, vis-à-vis de leur environnement. Un peu un effet qu'on peut qualifier un effet de Truman Show. Et donc les sujets étaient dans ce type d'état pendant qu'ils réalisaient la tâche. Il faut bien comprendre que dès qu'on arrête la kétamine par intraveineuse, au bout de quelques minutes, les sujets perdent complètement ces symptômes. C'est un effet tout à fait transitoire qui n'a aucun impact à moyen terme, bien évidemment. Et donc ce qu'on a pu observer, c'est qu'ils étaient plus incertains, mais aussi, de façon étonnante, qu'ils prenaient des décisions prématurées et aberrantes. C'est-à-dire que sous kétamine, les sujets avaient tendance à décider trop tôt, en ignorant une partie des informations qui leur étaient présentées. Habituellement, on essaye de bloquer l'émergence de ces croyances aberrantes en donnant ce qu'on appelle des antipsychotiques, des médicaments aux patients. Mais là, nous, ce qu'on a l'air de comprendre, c'est qu'en fait, c'est peut-être cette incertitude très forte qui amène les gens à converger sur des croyances aberrantes. Et donc, ce qu'il faudrait plutôt essayer de faire à l'avenir, c'est voir si chez des patients, le fait d'augmenter la tolérance à l'incertitude pourrait permettre de retarder, voire même d'inhiber, en fait, l'émergence de croyances aberrantes. Et ça, c'est un type d'approche qui serait assez différent de ce qui est fait aujourd'hui chez les patients. Voilà, et comme toujours, on vous met le lien vers l'étude de Nature Communications sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. L'éruption volcanique survenue ce week-end au Tonga est la plus grosse enregistrée dans la région depuis 1000 ans. Oui, l'éruption du volcan Unga Tonga, Unga Ha'apai, survenue samedi 15 janvier dans l'archipel Pacifique, bat tous les records et l'étendue des dégâts semble considérable. L'onde de pression provoquée par l'explosion massive s'est propagée à plus de 1000 km/h dans l'atmosphère et a été relevée jusqu'en Europe. Le bruit de l'explosion a quant à lui été entendu jusqu'en Alaska à plus de 9 km. Mais ça n'est pas tout. L'éruption... Plus de 9000 km. 9000 km, j'ai dit 9 km, c'est à peu près pour l'Alaska. Oui, c'est vrai. Pardon, excusez-moi. À plus de 9000 km. Mais ça n'est pas tout. L'éruption a également déclenché un tsunami et près de 400 000 éclairs au-dessus du volcan, des morceaux de cendres et des particules de glace atmosphérique se heurtant les uns aux autres et générant des charges électriques. Des pluies acides sont maintenant à craindre. On n'avait pas enregistré d'éruption volcanique de cette ampleur dans la région depuis environ 1000 ans. On avance doucement mais sûrement sur la question épineuse de la première vie sur Terre. Comment la vie a-t-elle émergé de la soupe primitive entièrement minérale des océans il y a 4 milliards d'années environ? Cette grande question n'est toujours pas résolue. On suppose que les peptides et les protéines sont essentiels à l'autoréplication des molécules. Dans ce processus, la capacité à gérer l'énergie est essentielle et pour faire cela, un mécanisme d'oxydoréduction, c'est-à-dire de transfert d'électrons, est nécessaire. Parmi les éléments chimiques, les métaux sont ceux qui favorisent le plus ce mécanisme. Cette nouvelle étude parue dans Science Advances s'est donc intéressée aux structures des protéines associant des métaux en supposant qu'elles auraient fait un bon point de départ pour de nombreuses fonctionnalités du vivant. En retraçant l'évolution de ces protéines contenant des éléments métalliques, les chercheurs montrent qu'elles sont composées de briques de base qui se retrouvent de façon récurrente. Mais il y a mieux, les arrangements de ces schémas de base révèlent que ces protéines sont toutes issues d'un seul ou d'un très petit nombre d'ancêtres. Il y a donc fort à parier que les peptides composant les protéines originelles auraient été utilisés pour faciliter le transfert d'électrons, une étape déterminante pour le développement de la vie. Et enfin, selon une étude parue dans Nature Astronomy, cette fois, on aurait détecté une deuxième lune extrasolaire autour d'une exoplanète géante. Si on a identifié plus de 4000 exoplanètes au cours des dernières décennies, les exolunes se font plus rares. Et pour cause, si on peut identifier une exoplanète par la technique du transit, c'est-à-dire en l'observant masquer temporairement la lumière de son étoile, il est beaucoup plus compliqué d'observer des exolunes qui sont moins massives et provoquent donc une variation de luminosité infime. 4 ans après l'annonce encore débattue de la découverte de la première exolune, une deuxième candidate aurait été identifiée en orbite autour de la planète Kepler-1708b à 5500 années-lumière de la Terre. Des observations d'autres télescopes spatiaux seront évidemment nécessaires pour confirmer la découverte. Merci à Antoine Beauchamp. On retrouve normalement, on espère, Natacha Triou en pleine forme demain pour le prochain Journal des Sciences. C'est un véritable exploit observationnel qui a été publié le 22 décembre dernier dans la revue Nature Astronomy. Environ 70 planètes errantes ont été détectées dans le voisinage de la constellation du Scorpion. C'est à environ 420 années-lumière de nous. Un exploit parce que ces planètes n'orbitent autour d'aucune étoile et sont donc par nature très froides et très difficiles à repérer en imagerie directe. Si difficile que pendant très longtemps et jusqu'à très récemment, on a cru qu'entre les systèmes stellaires, il n'y avait tout simplement rien. Rien d'autre que du vide. La preuve par l'archive. Retour en 1949 dans l'émission Rive droite, rive gauche sur la radiodiffusion française. Bien, vous savez que les étoiles sont organisées en astres autonomes qu'on appelle les galaxies. Oui. Plusieurs milliards d'étoiles sont groupées en galaxies. Et d'une galaxie à l'autre, il y a le vide. Il y a d'immenses espaces que vous appelez vide et que nous nommons le vide intergalactique. Bon, que sait-on là-dessus? Rien. Non, cette fois, je puis vous dire qu'il y a sans doute encore de la matière d'une galaxie à une autre galaxie, mais que jusqu'à présent, l'astronomie n'a pas réussi à le déceler. Bien. Ce sera le travail des prochaines années, si vous le voulez bien. Un tout petit mot, le premier vide intergalaxique, c'est comme ça qu'on intergalactique. Doit... Intergalactique se trouve à combien de millions ou de milliards d'années-lumière d'ici? Eh bien, pour sortir de notre galaxie, que tout le monde connaît sous le nom de Voie lactée, il faudrait faire 50 000 ou 60 000 années-lumière. Bon, et vous pensez qu'on aura un jour des appareils qui permettront de discerner à 50 ou 60 000 années-lumière des molécules? Bien, puisque nous photographions les galaxies lointaines, dans leur lumière, on trouvera peut-être un jour la trace des déprédations du milieu intergalactique. Eh bien, M. Coudert, attendons. Voilà, le vide intergalactique défini par Paul Coudert, astronome à l'Observatoire de Paris et professeur à l'École Polytechnique. Une réaction à cette archive, Hervé Bouy? C'est intéressant. Alors aujourd'hui, évidemment, on a une vision un peu différente. Les choses ont avancé. On a justement eu accès à des instruments de plus en plus performants. Alors, juste une petite note. Les planètes errantes qu'on a détectées jusqu'à présent, elles sont membres de notre galaxie. Elles ne sont pas intergalactiques. Donc, elles remplissent le vide, mais le vide interstellaire, on va dire, plutôt qu'intergalactique. On reviendra sur cette question de savoir s'il y a des objets aussi dans ce vide intergalactique et s'il y a peut-être des planètes ou d'autres types d'astres. Un mot, Nouria Miret-Reut, sur cette archive et sur cette transformation de la conception que l'on a du vide interstellaire. Oui, je suis plutôt d'accord avec ce que Hervé a dit. Je pense que c'est important à remarquer que ces objets qu'on a trouvés sont vraiment très proches de nous et très dans notre propre galaxie. Alors, pour ce qui est justement de ce papier, de cette détection, vous vous êtes basé sur un nombre très très important, Hervé Bouy, d'observations, plus de 80 000. Quelle était la méthodologie qui vous a permis d'arriver à ces conclusions? Alors l'idée, c'est pour identifier ces objets parmi toutes les étoiles du fond, les galaxies du fond, il faut utiliser un maximum d'informations. Donc jusqu'à présent, les gens utilisaient essentiellement leur couleur et leur luminosité, parce que ça c'est assez facile à mesurer. Malheureusement, quand on utilise uniquement les couleurs et les luminosités des étoiles, on a beaucoup de contamination dans les échantillons d'étoiles de très faible masse et de planètes errantes. Parce qu'il y a beaucoup d'autres objets du fond qui finalement ont des couleurs très similaires, presque indistinguables. Donc pour pallier à ça, on a décidé d'utiliser en plus leur mouvement, puisque tous les objets bougent dans l'univers. Et les objets qui sont nés ensemble dans un nuage moléculaire ont finalement conservé le mouvement de ce nuage moléculaire d'origine et vont donc se déplacer tous plus ou moins à la même vitesse et dans la même direction, alors que les étoiles qui ne sont pas associées se déplacent dans n'importe quelle direction, dans des directions un peu aléatoires, on va dire, ou sans vitesse, si elles sont sans vitesse apparente, si elles sont très loin. Et donc, évidemment, pour mesurer les vitesses des étoiles, c'est des vitesses absolument minuscules. Il faut soit être très patient et donc commencer des séries d'observations et puis les répéter tous les ans jusqu'à avoir une base de temps suffisante pour mesurer le déplacement des étoiles. On n'avait pas cette patience, donc on a choisi finalement de profiter des archives, des très nombreuses archives des télescopes qui sont disponibles dans le monde entier, de les combiner avec de nouvelles époques et de mesurer donc le mouvement de millions d'étoiles dans un champ donné et de chercher donc tous les objets qui se déplaçaient dans la même direction avec la même vitesse. Et parmi ceux-ci, donc, on a été assez surpris de trouver un nombre assez conséquent de planètes errantes. Et pour ça, on avait besoin d'énormément de données, si vous voulez, parce que elles sont assez nombreuses, mais disons que ça reste quand même des nombres assez petits. On parle là d'une association qui contient à peu près, on va dire, 4000 membres, en incluant ces planètes, parmi à peu près 40 millions de sources. Donc c'est vraiment l'aiguille dans la botte de foin, et c'est pour ça qu'on avait besoin de beaucoup, beaucoup de données. Un mot peut-être, Nouria Miret-Reutsch, dans l'étude, vous dites que vous avez détecté environ 70 planètes errantes, mais c'est un nombre qui est sujet à variation. Comment ça se fait que vous ne soyez pas exactement sûr du nombre d'objets que vous ayez détectés? Là, la difficulté qu'on a à savoir combien de planètes on a trouvé, c'est parce qu'on ne connaît pas précisément leur masse. Et la raison pour laquelle on ne peut savoir la masse avec précision, c'est parce que ces objets, quand ils sont formés, ils sont relativement chauds, mais ils se refroidissent, refroidissent très vitement avec le temps. Et donc, quand ils se font de plus en plus froids, ils se font de plus en plus faibles aussi. Et là, c'est difficile à distinguer entre une planète ou un objet qui peut être plus massif et plus belle et un autre qui peut être plus léger et plus jeune. Et comme la région qu'on a étudiée est grosse et il contient des étoiles et planètes qui ont probablement une différence d'âge, mais on ne les connaît pas avec précision, on n'est pas savoir précisément leur masse et à la fin savoir s'ils sont des planètes ou des objets qui sont plus gros que des planètes. Mmh. Un mot pour compléter, Hervé Bouy, la fourchette en fait, c'est de 70 à 170, c'est ça? C'est entre voilà. Les deux? Voilà, alors c'est un petit peu les deux extrêmes, si vous voulez. Donc si on considère que tous les objets de cette région ont 1 million d'années, ce qui est l'estimation la plus basse, alors on trouve à peu près 170 objets de masse planétaire. À l'inverse, si on considère que tous ces objets qu'on a découverts ont un âge de 10 millions d'années, donc là, cette fois, c'est l'âge le plus ancien parmi les estimations, on arrive à 70. Alors évidemment, ces deux nombres sont probablement incorrect et c'est qu'il doit être quelque chose entre les deux. On va essayer de comprendre un peu mieux ce que sont ces planètes errantes, pourquoi il est si difficile de les observer, de les identifier et puis ce qu'elles nous racontent également de notre connaissance de notre galaxie. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons donc de planètes errantes en compagnie d'Hervé Bouy et de Nouria Miret Reutsch. Hervé Bouy, qu'est-ce que c'est qu'une planète errante? Comment est-ce qu'on la définit? Alors, c'est un objet de masse planétaire, mais qui n'orbite pas une étoile ou une naine brune. Donc, un objet de masse planétaire, c'est-à-dire quelle est la fourchette? Comment est-ce qu'on définit un objet de masse planétaire? Donc, d'après l'IAU, alors ça a été une source de débat assez intense au début des années 2000, c'est toujours assez controversé et tout le monde n'est pas d'accord finalement sur la définition, mais disons que l'IAU a décidé de définir les planètes comme étant des objets qui ne sont pas capables de faire la fusion du deutérium, ce qui se produit autour à peu près de 12 à 13 masses de Jupiter, d'après les modèles. Donc tout objet de masse inférieure à cette limite serait un objet de masse planétaire, et au-delà, on parle plutôt de naine brune. De naine brune, donc on va vous remettre un lien, on avait consacré une émission à ces naines brunes. Les naines brunes, ce sont en quelque sorte, pour le résumer à grands traits, des soleils qui ne sont pas tout à fait allumés. Voilà, ils sont partiellement allumés, ils peuvent faire quelques réactions de fusion éventuellement au début de leur vie, mais rapidement, c'est pareil, ils vont s'éteindre, entre guillemets. Ces planètes errantes, on ne suspectait pas leur existence. À partir de quand est-ce qu'on tombe dessus? À partir de quand on se dit qu'il existe des planètes qui ne sont pas liées à une étoile? Donc c'est à la fin des années 90 et au début des années 2000, les premiers candidats ont été détectés. Soit il y en a eu quelques-uns par imagerie, mais ensuite ça a été essentiellement par des études de micro-lentilles gravitationnelles, qui ont trouvé donc des événements de micro-lentilles qui correspondaient plutôt, par leur durée et leurs propriétés, à des objets de masse planétaire. On viendra sur les différentes méthodes de détection de ces planètes errantes. Avant votre étude, donc qui en a découvert environ 70, une petite centaine, combien en avait-on observé précédemment? Alors, j'ai pas le chiffre exact en tête, mais quelques dizaines, je pense. Voilà. Ouais. Alors, vous l'avez dit, Nouria Miret Reutsch, ces planètes que vous avez détectées sont plutôt des planètes géantes par rapport à ce que nous connaissons dans le système solaire, sont plutôt des planètes relativement grosses. Quelles en sont les caractéristiques? Comment est-ce qu'on peut les définir? Quelles sont les informations, en fait, que vous avez réussi à obtenir sur ces 70 planètes errantes à travers votre étude? Oui, ils sont des planètes géantes, et donc des planètes gazeuses qui sont similaires peut-être à Jupiter, mais encore plus grosses. Ils ont entre 4 et 13 fois la masse de Jupiter et ils sont aussi très froids. Donc si on pouvait les observer, on les verrait plutôt rouges à cause de leur basse température. Et en fait, ils brillent le plus dans l'infrarouge, pas dans l'optique. Mmh. Rouge, justement, vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce qu'on les voit plutôt dans l'infrarouge et plutôt dans le rouge, Hervé Bouy? Alors, du fait de leur basse température, donc elles ont des températures entre 1500 et 2500 Kelvin à peu près, celles qu'on a détectées, leur pic d'émission finalement est dans l'infrarouge et elles émettent très peu dans l'optique. Donc, c'est lié un peu à la loi d'émission du corps noir. Alors, 1500 ou 2000 degrés Kelvin, c'est quand même des températures très élevées par rapport aux températures que l'on connaît dans le système solaire. Alors, tout à fait. C'est bien plus chaud que Jupiter, bien par sûr, exemple. Hein. Et c'est lié au fait qu'elles sont très jeunes. Et c'est aussi pour ça qu'on est allé les chercher dans une région jeune, parce que quand elles sont jeunes, elles conservent encore beaucoup de l'énergie, finalement, qui a contribué à leur formation, dont on va parler peut-être un peu après, et ce qui les rend plus chaudes et donc aussi plus lumineuses et plus faciles à trouver. Ensuite, comme l'expliquait Nouria, très rapidement, elles vont refroidir indéfiniment, devenant de plus en plus froides. Elles vont aussi devenir de moins en moins lumineuses et donc de plus en plus difficiles à détecter. Dans ces planètes géantes, elles sont toutes gazeuses. Vous êtes sûr à 100% ou pas loin qu'il n'y a aucune planète tellurique? Alors, celles que nous avons détectées, elles sont toutes gazeuses. Nous n'avions pas les moyens de détecter des planètes telluriques. Maintenant, on peut supposer, c'est assez raisonnable de penser qu'il y a aussi des planètes telluriques qui ont été formées par des mécanismes similaires. Mais on n'est pas capable de les détecter pour le moment avec ces méthodes d'observation directe. Alors, on parlera dans la deuxième partie de cette émission des méthodes d'observation, de la lentille, des effets de micro-lentille gravitationnelle. Ce sera le sujet du reportage. Aujourd'hui, qu'est-ce qui explique, Nouria Miret-Reutsch, quelles sont les hypothèses sur les raisons qui font que ces planètes sont errantes et ne sont pas liées à un système stellaire? En fait, il y a plusieurs mécanismes qui ont été proposés pour expliquer leur formation. Par exemple, un des plus populaires, c'est qu'ils pouvaient se former comme des petites étoiles, c'est-à-dire pour la contraction gravitationnelle des petites nuages de gaz. Après, il y a aussi des autres modèles qui proposent qu'ils pouvaient se former dans des systèmes planétaires, peut-être comme les nôtres, et après, par des interactions avec des autres planètes ou avec l'étoile principale, et ces planètes errantes peuvent être éjectées dans le système planétaire et devenir des planètes errantes. Après aussi, dans le voisinage des étoiles très massives, les vents de ces étoiles pouvaient éjecter aussi les gaz plus externes dans une petite étoile qui est en train de se former. Et finalement, cette étoile n'aura pas suffisamment pour devenir une étoile et il deviendra une planète. Ça, c'est les trois hypothèses principales. On va peut-être les reprendre une par une, Hervé Bouy. Donc, première hypothèse, finalement, ces planètes errantes, ce seraient des étoiles ratées, c'est-à-dire bien un nuage de gaz qui s'effondre, mais pour une raison particulière, ça ne s'effondre pas au point de déclencher une réaction thermonucléaire et de faire une véritable étoile avec un système planétaire. Vous pouvez nous expliquer un peu comment ces étoiles ratées peuvent être générées? Voilà, donc... dans le mécanisme qui considère que ces objets se forment comme des étoiles, finalement, c'est un nuage moléculaire qui est trop petit, qui va s'effondrer sous son propre poids, on va dire, sous l'effet de la gravité, mais qui n'a pas suffisamment de masse pour finalement former une étoile. Et donc, on obtient un objet beaucoup plus petit. Alors, pour arriver à faire ça, c'est pas forcément simple. Il faut quelques ingrédients particuliers, hein, d'après ce qu'on comprend, en particulier de la turbulence dans le nuage moléculaire. Donc ça, c'est le mécanisme qui a été proposé assez rapidement pour expliquer justement l'existence de ces objets. Apparemment, d'après les théories et simulations numériques, c'était possible. Une question qui reste encore à répondre, c'est jusqu'à quelle masse minimum on peut former des objets à partir de ce mécanisme? Parce que ce que vous décrivez là, c'est le mécanisme typique de formation des naines brunes. Des naines brunes ou des étoiles, tout à fait. Voilà, c'est ça. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on arriverait en dessous encore de la masse critique d'une naine brune? C'est-à-dire qu'on ne serait même pas au niveau de la naine brune, on est encore en dessous. Voilà, c'est parce que les nuages sont simplement plus petits ou il y a d'autres... Voilà, le réservoir originel de masse, donc le nuage d'origine serait trop petit. D'accord. Tout simplement. Alors après, les autres mécanismes dont on a parlé. Et alors, attendez, on va rester encore un petit peu. Je vous garde un peu sur celui-là parce que ça explique la formation de l'objet, de l'astre, oui. Donc de cette planète errante. Et du coup, ça veut dire que, bien, cette planète, elle n'a pas de système, donc elle évolue seule, naturellement, dans le milieu galactique. Comment est-ce que ça la transforme en objet errant, en fait? Alors, elle est errante dès le départ, finalement, mais de la même manière que les étoiles sont errantes, voilà. Finalement, ou les naines brunes sont errantes. C'est-à-dire qu'elle va éventuellement former partie d'un groupe. Les étoiles, souvent, se forment en groupe dans des amas ou des régions de formation. Voilà. Elle fera partie de ce groupe, mais ensuite, ce groupe se dissout tout simplement dans le potentiel galactique. Et donc, elle n'aura jamais, finalement, été en orbite autour d'une étoile, puisqu'elle est née toute seule, sans étoile. La pauvre. Voilà. C'est presque nous tirer une petite larme de la petite planète toute seule perdue dans la galaxie. Donc ça, c'était la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est celle d'un système planétaire, c'est-à-dire finalement d'une planète qui est créée comme dans notre système solaire, voilà. Mais qui, par un système de quasiment de boules de billard, va être éjectée à un moment donné. Peut-être que vous pouvez nous préciser un peu comment ça se passe à ce moment-là. Oui, donc quand les systèmes protoplanétaires se forment, ils peuvent inclure des planètes de masse très différente. On le voit dans notre système, hein. Il y a des géantes gazeuses, il y a des planètes telluriques. En plus, on sait que au fur et à mesure de l'évolution du système planétaire, il peut y avoir des migrations des différentes planètes, hein, d'après en particulier ce qu'on appelle le modèle de Nice. On pense que le système solaire a subi ce genre de migration, c'est-à-dire que les planètes géantes étaient à l'origine plus proches du Soleil et puis elles ont migré vers l'extérieur. Ce genre de migration, évidemment, quand on a beaucoup de planètes dans le système planétaire, elle peut aboutir à des conflits gravitationnels, on va dire, ou comme vous l'avez expliqué, un jeu de boules de billard, où certains des objets finalement vont subir l'attraction gravitationnelle des autres et éventuellement se retrouver sur des orbites très excentriques ou même être éjectés du système planétaire pour finir donc en vagabond dans la galaxie. Le modèle de Nice ou le Grand Tac, qui sont les deux modèles de formation du système solaire. On va là aussi vous remettre les liens vers les émissions que nous y avons consacrées. Troisième hypothèse de formation, ces étoiles doubles finalement, ce serait une petite étoile qui aurait été cannibalisée finalement, ou en tout cas évaporée, aérosolisée quasiment, à cause d'une grosse étoile à côté beaucoup plus massive. Exactement. Donc lorsque on a, si on revient au petit nuage moléculaire qui est en train de former une petite étoile, cette fois, ou une naine brune, eh bien, si ce petit nuage moléculaire se trouve très proche d'une étoile très massive, il va subir les vents très violents, les vents ionisants de ces étoiles très massives, qui vont finalement souffler le matériel dans lequel cette étoile, cette proto-étoile était en train de puiser pour se former, avant qu'elle puisse accréter suffisamment de masse et devenir finalement une étoile ou une naine brune. Donc ça, on sait que ça existe. On l'a même observé, hein, on fait des observations directes, quelques-unes. Mais on pense que ça doit contribuer de manière très mineure à l'ensemble de la population des planètes errantes, puisqu'il y a pas mal de conditions à remplir. En particulier, il faut être très proche d'une étoile très massive. Et en plus, ces étoiles très massives, elles sont très rares. Il y en a peu, finalement. Donc, on sait que ça existe, mais ça permet pas d'expliquer la majorité de ces objets. Il y a une autre hypothèse que vous n'avez pas mentionnée, Nouria Miret-Reutsch et Hervé Bouy, c'est les phénomènes d'éjection dans des proto-amas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça, Hervé Bouy? Voilà, donc là, encore c'est une fois... C'est la quatrième hypothèse. Voilà. Donc, encore une fois, finalement, ce serait le cas, finalement, où ces objets de masse planétaire sont des étoiles ratées. C'est-à-dire que ce seraient finalement des petites étoiles qui étaient en train de se former bien tranquillement dans leur proto-amas. Et dans le proto-amas, il y a beaucoup d'interactions dynamiques qui se produisent. Et de la même manière, cette fois, elles seraient éjectées de ce proto-amas avant d'avoir pu accréter suffisamment de masse. Et donc là, elles se retrouveraient aussi isolées. Voilà les quatre hypothèses de formation. J'imagine que ces hypothèses, ça reste à l'état d'hypothèse, c'est-à-dire que pour les planètes errantes que vous avez pu observer dans votre papier, vous ne pouvez pas discriminer leur origine les unes des autres. C'est très compliqué. Voilà, malheureusement pour l'instant, on n'en a pas les moyens, donc on essaye de trouver des pistes, non pas pour dire pour chacune de ces planètes errantes comment elle a été été formé, moi, au moins pour savoir de manière statistique quelle fraction s'est formée d'une manière et quelle fraction s'est formée d'une autre manière. Nouria Miret-Reutsch, ces planètes errantes, quelle est leur destinée, quel est leur parcours, leur trajectoire dans l'espace intergalactique? On sait bien ce qui se passe dans l'espace, pardon, interstellaire, pas intergalactique, autant pour moi. On sait assez bien ce qui se passe autour d'une étoile, on connaît les systèmes planétaires et les interactions, mais l'espace interstellaire, il est un peu moins bien connu, plus difficile à observer. Est-ce qu'on sait quelle est la destinée, quelle est la trajectoire de ces planètes errantes dans ces milieux interstellaires? Oui, en fait, ces planètes, elles se sont formées dans une région de formation stellaire, donc elles se sont formées tous plus ou moins au même temps, et aussi au même temps que des étoiles et nains. Et comme Hervé avait expliqué au début, quand un groupe d'étoiles se forme ensemble, ils se bougent aussi ensemble avec un mouvement similaire à les mouvements que les parrains nuages avaient. Donc à la fin, ces planètes qu'on a trouvées, ils bougent ensemble avec toutes les étoiles et planètes qui sont formées avec eux. Hervé Bouy, on l'a dit, hein, ces planètes que vous avez observées, elles ont un mouvement commun. Ça veut dire que elles ont un mouvement particulier, distinct des mouvements des groupements stellaires à l'intérieur de la galaxie. Comment est-ce qu'on peut les caractériser? Alors, pas vraiment. Disons que de notre point de vue, depuis le Soleil, elles vont avoir un mouvement distinct parce qu'elles sont assez proches. Et puis, il y a le mouvement réflexe par rapport au Soleil. Donc, c'est ce qui nous a permis de les identifier. C'est-à-dire le mouvement réflexe? C'est-à-dire, c'est un petit peu comme dans un train. Si vous voulez, le Soleil, on est dans le train et on a l'impression que les vaches dans le champ, elles se déplacent toutes à la même vitesse, dans la même direction. Okay. Par contre, cette région de formation et ces objets, finalement, ils vont avoir une orbite assez classique autour du centre de la galaxie, comme toutes les étoiles et toutes les régions qui appartiennent à la galaxie. Il y a des scénarios possibles, probables, attestés de recapture de planètes errantes par des systèmes stellaires? Oui, tout à fait. Donc, il y a eu des simulations numériques qui ont été faites pour estimer les possibilités de recapture. Donc, c'est possible. J'ai plus les chiffres en tête, je vais peut-être dire une bêtise. Il me semble que c'est de l'ordre de quelques pourcents qui peuvent éventuellement être recapturés. Alors, ça va être très tôt. Pendant que ces objets sont encore justement dans cette association, hein, donc dans les premiers millions d'années de leur formation, éventuellement si l'environnement est suffisamment dense, donc si la région où elles se sont formées est suffisamment dense, ça doit se produire, donc c'est quand même assez rare, mais c'est possible. Par contre, après, c'est très improbable, on va dire. Est-ce qu'il est imaginable, est-ce qu'il a été observé l'existence d'étoiles errantes, c'est-à-dire d'étoiles qui erraient dans la galaxie? Alors, en même temps, toutes les étoiles sont errantes, vous allez me dire, mais d'étoiles sans système planétaire qui auraient été éjectées, puisque je me souviens d'une étude qui supposait, alors avec beaucoup de guillemets et de précautions, que le Soleil aurait eu peut-être une étoile jumelle, il aurait été question que ce soit un système double et que cette étoile jumelle aurait été éjectée. C'était une hypothèse, donc encore une fois, à prendre avec beaucoup de précautions. Mais est-ce que des étoiles errantes peuvent exister, avec vous? Alors, je dirais que toutes les étoiles finissent par être errantes. Une fois que cette région dans laquelle elles se sont formées va petit à petit se dissoudre, si vous voulez, dans la galaxie. Mais on sait aussi qu'au cours de ces interactions, on éjecte pas seulement donc des objets de masse planétaire, mais on éjecte en effet des naines brunes ou des étoiles. Et donc là, justement, dernièrement, il y a une belle moisson de ces objets qu'on appelle des objets de très haute vitesse, grâce à Gaïa, qui permet de les identifier assez facilement. Donc on trouve des objets qui ont une vitesse relativement importante par rapport au reste des objets alentour. On arrive même parfois, quand on a suffisamment d'informations, à retracer leur parcours et à trouver la région. L'origine. Voilà, d'origine. Le berceau, la naissance. Exactement, la famille. La famille. On va continuer à parler de ces étoiles, et bien décidément de ces planètes errantes, et surtout, nous allons vous expliquer comment il est possible de distinguer ces planètes qui, encore une fois, n'orbitent pas autour d'une étoile, donc dans le noir interstellaire au milieu de la galaxie. Comment fait-on pour les identifier? Ce sera juste après ça. Thank you. In Space de Roixop à 16h35 sur France Culture. Nous parlons des planètes errantes tout au long de cette heure en compagnie d'Hervé Bouy, qui est professeur en astrophysique à l'université de Bordeaux, et Nouria Miret Reutsch, qui est astronome à l'université de Vienne. Comment est-il donc possible de voir dans l'espace interstellaire sans étoiles à proximité ces planètes errantes par définition sombres? Eh bien, c'est possible grâce à la méthode dite de micro-lentille gravitationnelle que vous avez pu vous-même expérimenter à l'Institut d'astrophysique de Paris. Céline Lausanne, bonjour. Bonjour Nicolas. Oui, alors pour rappel, une lentille gravitationnelle, c'est une concentration de masse qui dévie la lumière provenant d'objets situés en arrière-plan. En général, il s'agit de galaxies ou bien d'amas de galaxies, mais des corps beaucoup plus petits, comme des planètes errantes, peuvent aussi se comporter comme des lentilles gravitationnelles. C'est de cette manière qu'Arnaud Cassan avait pu découvrir, il y a quelques années, une planète errante gazeuse et sa petite lune située à 2000 années-lumière de la Terre. Pour me faire comprendre le principe, il m'a fait une démonstration à partir d'une maquette. Nous sommes dans la bibliothèque de l'Institut d'astrophysique de Paris, qui contient un certain nombre d'ouvrages assez anciens d'astronomie. Je vais vous présenter un petit peu une méthode particulière pour détecter des planètes flottantes qui utilise le phénomène de micro-lentilles gravitationnelles. C'est une méthode qui est connue depuis au moins la relativité générale et qui permet d'observer un très grand nombre, une variété assez étendue de phénomènes. Oui, alors le phénomène de l'antigravitationnel a été prédit par Einstein très très tôt, en fait pratiquement juste après qu'il a publié sa théorie de la relativité générale en 1915. Donc dès 1916, en fait, il commence à donner des applications possibles de cette méthode. Une méthode qui s'est révélée dès qu'elle a pu montrer qu'observationnellement elle était viable, qui a pu donc traiter énormément de sujets, des planètes jusqu'aux galaxies, et même jusqu'à la cosmologie en fait. Alors autant pour les exoplanètes qui sont associées à une étoile, on peut comprendre que cette méthode des lentilles peut fonctionner, mais pour des planètes errantes qui ne sont pas associées à une étoile, comment on fait ? Alors le phénomène de lentille gravitationnelle en général, c'est le fait que vous avez donc une étoile en arrière-plan, dans notre cas, une étoile lointaine qui émet des rayons lumineux. Et ces rayons lumineux, en fait, sont déviés par l'objet qui passe sur la ligne de visée, très très légèrement dévié. Et c'est comme ça que vous observez une augmentation de la lumière lors du phénomène. Donc ce sont des variations très brèves et local dans le temps. Alors comment on peut faire ça en pratique? Là, vous avez une maquette qui peut schématiser la méthode. Voilà. Donc avec cette maquette, en fait, on peut modéliser l'effet de lentille gravitationnelle par une lentille d'une forme spéciale. Il faut imaginer que c'est un pied de verre à vin cassé, donc vous prenez le bas. Et en fait, quand vous regardez à travers cette lentille gravitationnelle, vous observez plusieurs images de la source. Voilà. Ouais, par exemple, si on place une sphère qui modélise une étoile. Voilà. En fait, on va observer. Et qu'on place l'œil dans la ligne de visée. Voilà. En fait, on va observer typiquement plusieurs images de la source d'arrière-plan. Et donc, ces images, en fait, qui apparaissent comme un rond, on pourrait dire, apparaîtraient comme des images, mais en fait, ces images, elles sont si serrées l'une contre l'autre qu'en fait, on ne peut pas les voir et on n'observe que l'augmentation de flux lumineux. Et pour les détecter, on suit donc énormément des centaines de millions d'étoiles et on regarde si par hasard un de ces objets commence à briller plus. Et comme en fait on s'intéresse pour le suivi à des étoiles d'arrière-plan, même si l'objet est très sombre, l'objet qui passe dans la ligne de visée, même s'il est très sombre, eh bien on va le voir parce qu'il va se contenter en fait par sa gravité d'augmenter le flux qu'on reçoit de l'objet lointain. Même s'il s'agit d'une petite planète et non pas d'un amas de galaxies, comme on a l'habitude d'entendre parler en ce qui concerne de lentilles. Eh bien, en fait, c'est juste une question de durée. Il n'y a pas d'autre phénomène en jeu. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très robuste, puisque la durée du phénomène va pouvoir être reliée, en fait, à la nature physique de la lentille. Plus de quelques semaines pour une étoile et très peu de jours pour une planète errante. Donc, alors, dans cette expérience, on va utiliser notre lentille gravitationnelle qui ressemble à un pied de verre à vin cassé. Et on va la placer comme ça verticalement sur un support. Et de l'autre côté, j'ai pris mon téléphone portable, tout simplement en allumant la petite lumière, la petite LED. Et je vais la passer derrière la lentille, à peu près à 20 cm. Et l'observateur... Je place mon œil voilà, à 20 cm l'observatrice, dans l'alignement. Et je vais faire passer comme ça l'étoile d'arrière-plan. Et vous allez essayer de voir ce que vous voyez, de commenter. Alors, je constate que la source se split ouais. En plusieurs tâches. Ouais. Et si je fais comme ça, vous allez recevoir un flux lumineux très fort dans les yeux. Un flash, presque. Un flash, oui. Voilà. Alors, on parle de flash. Alors ici, quand on parle de planète, si la lentille qui est représentée par ce pied de verre cassé, en fait, est une planète flottante, dans ce cas-là, ce flash sera extrêmement court. Il va durer, justement, à peine 2 jours. Et c'est cool, ça qu'on essaie de détecter. J'ai encore l'empreinte. Alors, je ne sais pas si c'est jamais suscité des dangereux ou pas, mais je sais qu'on peut abîmer, avec des lasers forts, on peut abîmer une caméra, ça c'est clair. Oh, c'est intéressant, parce que là, on peut vraiment éprouver ce phénomène. Voilà, on l'éprouve vraiment et physiquement. Et c'est vrai que c'est toujours impressionnant d'avoir cette idée de flash et de se rendre compte qu'une lentille gravitationnelle, on ne la voit pas elle-même, parce qu'elle est transparente dans cette expérience, mais c'est vraiment le fait qu'elle amplifie les rayons, elle redirige en fait les rayons lumineux de l'étoile d'arrière-plan vers vous. C'est là que vous voyez ce flash. En fait. C'est ça la particularité du phénomène de lentille gravitationnelle. Donc on peut constater la performance de cette méthode. Des lunes potentielles de ces planètes errantes, est-ce qu'il serait possible de les détecter ? Alors, les lunes, en principe, c'est possible, avec les méthodes de lentille gravitationnelle, c'est possible, sauf qu'un signal de lune qui se grefferait sur un signal de planète errante, ce serait un signal encore plus court, qui durerait probablement quelques minutes, mais c'est pas du tout impossible sur le plan théorique, puisque, en fait, du point de vue de la gravitation, que ce soit un couple étoile-planète ou planète-lune, en réalité, le signal le sera le même, c'est qu'une question de temps, en fait, de durée du phénomène, en réalité. Voilà, l'effet de lentille gravitationnelle expliqué à l'Institut d'astrophysique de Paris. Hervé Bouy, peut-être une réaction à ce reportage ? Oui, c'est une méthode extrêmement intéressante pour détecter ces objets. D'ailleurs, ça a été la méthode la plus performante, on va dire, pour en trouver un certain nombre. Il y a beaucoup aussi d'espoir par rapport aux missions qui vont arriver, en particulier les missions comme Euclid ou le Roman Space Telescope qui vont faire ce genre d'observation sur des millions de sources et, en principe, pouvoir faire des statistiques et des découvertes extrêmement importantes en utilisant les micro-lentilles. Nouria Miret-Reutsch, votre réaction à cette explication de l'effet de l'antigravitationnel est peut-être une explication appliquée à la façon dont vous avez travaillé sur ces relevés astronomiques pour détecter ces 70 planètes errantes. Oui, en fait, c'est une technique très intéressante et que j'espère qui donnera beaucoup plus de découvertes dans les années qui viennent. Mais la différence entre cette technique et celle qu'on a utilisée, c'est que nous, on observe vraiment les planètes. On les a dans notre image et donc on connaît vraiment leur position, qui c'est très, très important pour pouvoir faire des études postérieures pour caractériser mieux ces planètes et connaître mieux leurs propriétés. Ça, c'est plus facile avec nos données parce qu'on connaît bien la position de ces planètes. Et par contre, avec la technique de lentille gravitationnelle, ça devient beaucoup plus difficile. Hervé Bouy, juste par rapport à la technique que vous avez utilisée, justement. Oui, comme le disait Nouria, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir faire du suivi, on va pouvoir donc les étudier plus en profondeur avec différentes techniques d'imagerie ou de spectroscopie, alors que les événements de micro-lentilles, une fois qu'ils sont passés, on ne peut plus les réobserver, on ne peut plus donc étudier, on n'a pas le moyen de faire du suivi sur ces objets. Donc, par contre, ils permettent de détecter des objets beaucoup plus faibles en termes de masse. Mais alors, du coup, parlez-nous justement des autres méthodes que vous avez employées, la spectroscopie et l'imagerie infrarouge. Comment est-ce que vous avez réussi à discriminer justement dans ces relevés ce qui relevait des planètes errantes et des autres sources de lumière infrarouge ? Alors, on a donc combiné, comme je le disais, non seulement les propriétés de luminosité et de couleur de ces objets, mais aussi leur vitesse. Donc, pour faire l'analyse sur une énorme quantité d'objets, donc on parle d'à peu près 40 millions de sources qu'on a détectées à plusieurs dizaines ou centaines d'époques chacune, on a été obligé de développer certaines méthodes, certains outils basés sur des méthodes statistiques modernes, donc qui emploient en particulier des modèles bayésiens. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons que c'est ce qui nous permet d'utiliser au mieux nos connaissances de ces objets à la fois et nos données en prenant bien en compte éventuellement les incertitudes sur les mesures, mais aussi le fait qu'on avait parfois des données manquantes, c'est-à-dire que pour certains objets, on a toute l'information, toutes les couleurs, toutes les luminosités et toutes les vitesses, mais pour l'objet d'à côté, par exemple, pour une raison éventuellement technique, il va nous manquer une couleur. Et malgré cela, on doit quand même être capable de déterminer si cet objet est quand même membre ou pas. Quand vous dites une couleur, c'est une longueur d'onde du spectre infrarouge ? Alors, ça va être la différence entre deux longueurs d'onde. Mmh. Donc, en astronomie, on utilise des filtres devant nos caméras qui correspondent plus ou moins à des différentes longueurs d'onde. Et donc, on étudie la couleur de ces objets simplement en soustrayant la luminosité dans un filtre à celle obtenue dans un autre filtre. Donc les objets, les planètes errantes étant très rouges, en général on va utiliser des filtres soit rouges dans l'optique, soit infrarouges, en général plutôt infrarouges. Et dans l'infrarouge, on regarde également des couleurs. Mmh. Par exemple, on s'intéresse à la couleur entre 2 microns et 1,6 microns, par exemple, pour donner un exemple. Quel est le détail des informations que vous pouvez obtenir via ces méthodes-là sur ces planètes errantes? On a entendu les questions de masse. Est-ce que vous pouvez aller chercher derrière, par exemple, des éléments d'information sur la composition, sur la nature de l'atmosphère? Quel est le degré de finesse auquel vous pouvez aboutir, Hervé Bouy? Alors justement, oui, là il faut par contre utiliser de nouvelles observations, celles qui nous ont permis, ces découvertes ne nous permettent pas d'aller beaucoup plus loin que estimer des températures et des masses en comparant avec des modèles. Pour avoir une analyse plus fine de leur composition, il faudra faire de la spectroscopie. Mmh. Alors c'est possible, mais c'est évidemment difficile parce que ça reste des objets très faibles. Et la spectroscopie, en général, pour la faire sur des objets très faibles, il faut des très gros télescopes très puissants. Donc on a réussi à obtenir quelques spectres qu'on est en train d'analyser. Mmh. Et on espère qu'en particulier, le télescope James Webb, qui a été lancé avec succès il y a peu, pourra observer ces objets et déterminer leur composition, la nature de leur atmosphère pour le comparer avec des planètes qui, elles, tournent autour d'une étoile. Donc là, l'intérêt de ces objets, c'est que quand on veut observer leur atmosphère, on a juste, entre guillemets, à prendre un spectre, alors que pour étudier l'atmosphère d'une exoplanète, donc qui orbite une étoile, on doit d'abord supprimer la lumière de cette étoile qui est beaucoup plus brillante que la planète elle-même. Et donc, c'est très compliqué. Donc, c'est une forme d'avantage paradoxal. C'est-à-dire qu'on voit moins bien, mais on n'est pas ébloui. Ou en tout cas, toutes ces informations-là ne sont pas complètement noyées dans la lumière de l'étoile locale. Quoi. Exactement. Donc, si on a un télescope suffisamment puissant, et là, maintenant, ça commence à être le cas, on va pouvoir obtenir beaucoup plus d'informations, beaucoup plus facilement qu'autour que pour une planète qui tourne autour d'une étoile. Vous avez pu passer des relevés, puisque ces détections-là, vous les avez faites donc sur des relevés préexistants, à de l'observation, c'est-à-dire que vous avez pu avoir du temps de télescope pour aller pointer à l'endroit où vous avez vu, pour pouvoir avoir des informations en direct via d'autres méthodes d'observation directes cette fois-ci? Oui, alors on a eu la chance d'avoir du temps sur certains télescopes. Lesquels, par exemple? Alors on en a eu pour l'instant sur le télescope japonais Subaru, qui est situé sur l'île de Hawaï. Qui nous a permis donc d'obtenir des spectres infrarouges de ces objets qu'on est en train d'analyser. Et on espère on va demander du temps aussi sur le télescope spatial Hubble, probablement aussi sur le James Webb éventuellement, et sur de nouveau sur le Subaru aussi éventuellement. Aujourd'hui, par exemple, sur des questions liées à la composition de ces planètes, vous avez des informations qui soient des informations observationnelles ou c'est juste de la déduction par rapport à l'âge et à la température? Alors actuellement, tant qu'on n'aura pas fini d'analyser nos spectres, on a uniquement des informations de couleur. Donc c'est une espèce de spectre, mais vraiment très très basse résolution. On a quelques longueurs d'onde, donc c'est pas vraiment de la spectroscopie, mais ça nous permet déjà d'avoir une estimation grossière de la température de ces objets en comparant avec des modèles d'évolution. Et alors, du coup, ça donne quoi ces premiers spectres? Alors, c'est très prometteur. Apparemment, tous ces objets ont des spectres qui ont l'allure, justement, à laquelle on s'attend pour des objets de masse planétaire. Donc, la bonne nouvelle, c'est que la contamination, si on en a, elle sera relativement faible, a priori. C'est-à-dire, sur quelle matière, sur quel spectre atomique? On a pris des spectres donc entre 1,6 microns et 2,2 microns. Donc là, on voit dans leur atmosphère des bandes qui correspondent au monoxyde de carbone, surtout, de l'eau aussi, mais pas grand-chose d'autre. On a une résolution qui reste quand même relativement faible, puisque c'est difficile à observer. Peut-être un mot, Nouria Miret-Reutsch, sur cette analyse spectrographique et sur les informations que vous souhaiteriez, que vous aimeriez en tirer, ou vous êtes peut-être déjà en train d'en tirer via vos analyses. Bon, je pense que Hervé l'a très bien expliqué, les projets qu'on a dans ce cas. Et peut-être un autre projet complémentaire qu'on aimerait bien faire dans le futur, c'est de chercher des disques autour de ces planètes. Cette information sera très utile pour comprendre un peu mieux comment ces planètes se forment. Parce que on sait bien que les étoiles, ils se forment avec des disques autour d'elles. Mm-hmm. Et on trouve des disques dans ces planètes qui pouvaient être similaires à celles qu'on trouve dans des étoiles. On pourra penser que c'est probable que ces planètes sont formées par contraction gravitationnelle. Par contre, si on trouve qu'il n'y a pas vraiment de disques ou que les disques sont vraiment différents, et là, on pourra penser à des autres mécanismes. Peut-être un mot, effectivement, ces planètes sont très jeunes, donc ça veut dire que certaines d'entre elles ont encore des disques protoplanétaires qui n'ont pas été totalement accrétés. Voilà, exactement. Donc on peut les observer sous forme d'excès à des longueurs d'onde encore plus grandes, donc dans l'infrarouge moyen, on va dire, vers 10 ou 20 microns. Donc la présence de ces disques est extrêmement intéressante également pour mieux comprendre leur origine. Et c'est aussi intéressant puisque c'est dans ces disques que se forment éventuellement des planètes. Alors des planètes cette fois qui orbitent des astres. Donc ce seraient des planètes de planètes. Et non pas des planètes d'étoiles. Voilà. Ouais. Et ça, on en a observé déjà ou c'est... Alors, nous, on n'en a pas... Les planètes de planètes, ça s'appelle des lunes, non ? Voilà, ça devrait s'appeler des satellites, des lunes, ou... Je sais pas, il faudra peut-être penser à... C'est pas forcément évident. D'accord. Un nouveau terme. Une nouvelle terminologie. Vous avez parlé du James Webb Space Telescope. Il y a un autre équipement, l'Extremely Large Telescope, le ELT, qui est en cours de construction au Chili, qui devrait également vous aider, ou en tout cas permettre d'avoir une meilleure résolution pour l'examen de ces planètes errantes. Ah oui, tout à fait, puisqu'il sera énorme. Il aura une quarantaine de mètres, si je me rappelle bien, et donc il aura une sensibilité incroyable. Et ça permettra donc de faire des études sur ces objets extrêmement faibles en quelques minutes. Je suppose qu'on pourra obtenir toute l'information dont on a besoin. Et alors, je vais vous poser pour conclure, puisqu'il nous reste quelques minutes, la question avec un grand L. Il y avait une étude dont on avait parlé. Alors, ce sont des études qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes parce que tout ça est très, très hypothétique. Mais une étude qui disait qu'il était envisageable, malgré l'absence de soleil, que ces planètes errantes puissent abriter des océans souterrains, et qui dit océans souterrains au contact de la roche dit potentiellement des formes de vie extrémophiles. Ça veut dire qu'il est possible, il est envisageable de penser la vie dans ces environnements sans lumière, extrêmement hostiles. Alors vous parlez de planètes gazeuses géantes, donc on n'a pas l'impression que ce soit très très vie compatible. Non, tout à fait. Donc sur les planètes géantes, d'après ce qu'on connaît de la vie, c'est pas possible. Par contre, on peut imaginer que si justement elles ont des lunes, il y a une étude récemment justement qui mentionnait que les lunes de ces planètes errantes éventuellement pourraient avoir de l'eau sous forme liquide, et donc de la même manière éventuellement développer la vie. Alors attention, hein, le développement de la vie, disons que l'eau est une condition nécessaire d'après ce qu'on connaît de la vie. Mais elle est peut-être pas suffisante, donc c'est un premier pas, mais c'est pas... C'est à prendre évidemment avec beaucoup de précautions. Votre opinion là-dessus, Nouria Miret-Reutsch, on est encore très très loin, en tout cas, d'avoir les moyens observationnels de détecter quelque chose qui pourrait prouver l'existence de la vie sur ce type d'astres errants. Oui, effectivement, ça c'est une chose très intéressante à continuer à chercher et à étudier, mais je pense qu'on est quand même un peu encore loin. Un mot de conclusion, Hervé Bouy, quelle est la prochaine étape maintenant? Vous continuez à travailler sur ce relevé, sur ces 70 planètes, vous allez pouvoir peut-être affiner, avoir un nombre plus précis que cette estimation que vous avez. Quelle est la suite des recherches? Qu'est-ce que vous attendez comme résultat? Voilà, donc il y a plusieurs directions dans lesquelles on travaille. Sur cet échantillon, essayer d'améliorer les estimations des âges, puisque comme l'a expliqué Nouria, c'est la principale limite qu'on a aujourd'hui pour affiner le nombre exact de planètes errantes et leurs propriétés et leur origine. Ensuite, faire le suivi pour essayer de comprendre, de voir si on peut mieux caractériser, mieux quantifier combien se sont formés un petit peu comme des étoiles et combien se sont formés dans le disque comme des planètes. Et puis aussi voir l'effet de l'environnement sur la production de ce genre d'objets en allant regarder donc des régions qui ont des propriétés très différentes, donc, par exemple qui n'ont pas d'étoiles massives, qui sont très peu massives, beaucoup moins denses. Eh bien, on suivra tout ça avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Nouria Miret-Reutsch. Merci Hervé Bouy d'être venu nous parler des planètes errantes. La méthode scientifique, c'est Amel Boucherka, Mariam Ibrahim, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette, Saint-Villefranc, Natacha Triou, Céline Lausanne, Olivier Bétard à la réalisation et aujourd'hui Clara Galivelle à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, vous le savez, c'est en podcast sur l'application Radio France, en réécoute sur le site franceculture.fr et ce, à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire. France Culture, l'esprit d'ouverture.